bien bonjour à vous les amis, vous êtes bien sur Fadjet 94.2 pour l'émission Cold to Be Love. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien les amis. Aujourd'hui nous retrouvons pour une nouvelle émission reggae où je vais vous présenter 8 artistes fabuleux comme Acorda Pravida, Anthony B, Bob Marley, Jimmy Cliff, sans oublier Longchen Dao, Raga Sonic, Snoop Lion et pour finir Soja. Allez les amis, commençons avec le premier groupe qui s'appelle Acorda Pravida. C'est un groupe de reggae féminin. Eh oui, c'est rare, mais il y en a. Et elles sont d'origine brésilienne. Et la chanson s'appelle Nazaré. Vous allez voir, c'est juste une tuerie. Mais dia que acaba e alguma coisa aí dentro ainda não terminou. Pode ser o pensamento de mudar de vida ou então de estudar e ser alguém dia. Cada dia que se passa mais difícil vai ficando. Todo dia leão você tem que derrubar. Vai ficando tudo igual, trabalhando sem ideal. E às vezes você pensa que virou animal. Mas preciso pensar e a cabeça levantar. A paciência é o dom de ter uma vida plena. O reggae é o que nos motiva, vibração positiva. Passos firmemente sã e a fé que vai melhorar. Ei, acorda pra vida, mais dia que acaba. E alguma coisa aí dentro ainda não terminou. Um reggae pra animar, um vinho pra relaxar. E pra fugir da vida louca, conversar com Jah. Um reggae pra animar, um vinho pra relaxar. E pra fugir da vida louca, conversar com Jah. Mas preciso pensar e a cabeça levantar. A paciência é o dom de ter uma vida plena. O reggae é o que nos motiva, vibração positiva. Passo firmemente sã e a fé que vai melhorar. Mais dia que acaba e alguma coisa aí dentro ainda não terminou. Pode ser o pensamento de mudar de vida ou então de estudar e ser alguém dia. Cada dia que se passa mais difícil vai ficando. Todo dia leão você tem que derrubar. Vai ficando tudo igual, trabalhando sem ideal. E às vezes você pensa que virou animal. Mas preciso pensar e a cabeça levantar. Vibração positiva, passo firmemente, sonho a fé que vai melhorar. Ei, acorda pra vida, mais dia que acaba e alguma coisa aí dentro ainda não terminou. Um reggae pra animar, um vinho pra relaxar e pra fugir da vida louca, conversar com Jah. Um reggae pra animar, um vinho pra relaxar e pra fugir da vida louca, conversar com Jah. Mas preciso pensar e a cabeça levantar. A paciência é o dom de ter uma vida plena. O reggae é o que nos motiva, vibração positiva, passos firmemente sã e a fé que vai melhorar. Ei, acorda pra vida, mais dia que acaba e alguma coisa aí dentro ainda não terminou. Ei, acorda pra vida, mais dia que acaba, passos firmemente sã e a fé que vai melhorar. Et bien voilà mes chers Asta, c'était Nazaré du groupe Acorda Pravida. Je vous propose qu'on continue avec un autre chanteur très talentueux qui se nomme Anthony B. Donc je pense que certains le reconnaîtront car c'est quand même un chanteur assez connu. Elle va chanter la chanson King in My Castle et elle est sortie en 2016. Et vous allez voir, c'est aussi une bombe. Allez, on se retrouve tout à l'heure les amis. Virginian porcupine Slovakia, come link me in a chandong. And we are reason about the journey of life. The journey of life. Every day I wait, it's a new day. Treading this journey of life. Journey of life. Porky, you want me to tell you something? King in my castle. King in my castle, I'm a king in my castle. king in my castle, fighting for survival. Every day I work, I'm fighting for survival. Fighting, fireball, real fireball. In a Babylon, we no fear nothing at all. Fireball, man, a real fireball. Emperor Selassie, I the only name I call. Fireball, real fireball. Knock no load themself until them back against the wall. Fireball, man, a real fireball. King Selassie, I Emmanuel Marcus. Show me in my castle. King in my castle. I'm a king in my castle. King in my castle. Fighting for survival. Teach us crew and Ben, and them can't make 2 past 10. Boots them political war, now I lose I friend. That's why me want the youth them fi lose that trend. Know the importance of paper and pen. Bring back one love again. Cause I'm a king, born as a king, live as a king. Love yourself as a king, it's from within. Spread love across the globe. Out and jam down, from Slovakia. We don't want the world bombed down. King in my castle, king in my castle. I'm a king in my castle, king in my castle. Fighting for survival. Every day I wake up, I'm on fighting for survival. In my castle, king in my castle, I'm a king in my castle, king in my castle, fighting for survival. Every day I wake up, I'm on fighting for survival. God is love, each and everyone was born as a king. Let us all love, equal rights is for the globe. Doesn't matter your race, your color, your class, your creed. Reggae music, say one love from Jamdong to Slovakia. It no matter if you're over Czech Republic or in Mokakia. Yeah, it doesn't matter where you come from. We bless you up in Australia, also in China. Japan down under United States, America, Canada, Caribbean. Sing! In my castle. King in my castle, I'm a king in my castle. So that's it, I control the tabernacle. King in my castle. King in my castle, I'm a king in my castle. King in my castle. Fighting for survival. Every day I wake up, I'm fighting for survival. I am a king, you are a king in my castle. In your country, you were born as a king in my castle. So don't let no one spoil you from within. Open your heart to love and get rid of. Eh bien voilà, les amis, c'était King in My Castle. Notre prochain artiste s'appelle Bob Marley. Eh oui, ce grand chanteur que tout le monde connaît et que tout le monde aime. La chanson qui va passer est l'une de mes préférées. C'est Get Up, Stand Up, vous allez voir. Je suppose que tout le monde connaît, mais c'est quand même une chanson que j'adore parmi les autres. Quoi. C'est vraiment ma préférée. Quoi. Allez, c'est parti, les amis. Get up, stand up. Stand up for your right. What? the ism, schism, game, dine and go to heaven in the Jesus' name, Lord. We know and we understand. Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't. Et bien voilà mes Rasta, c'était Bob Marley, Get Up, Stand Up. Pour continuer cette émission, je vous propose qu'on passe à l'artiste suivant. Il se nomme Jimmy Cliff. Je vais vous faire découvrir une de ses chansons qui se nomme I Can See Clearly Now. Vous allez voir, c'est super. I am feeling very Olympic today. How about you? Bien voilà les amis, c'était Jimmy Cliff. Allez, poursuivons maintenant avec un autre chanteur. Il s'appelle Longchen Dao. La chanson se nomme Wrap You Up. Le titre est en anglais, mais la chanson en elle-même est en chinois. Eh oui, je sais, c'est un petit peu bizarre, mais bon, j'y suis un peu pour rien. Hein. Mais vous allez voir, dans tous les cas, c'est juste super. Et ça nous fait un peu voyager dans le monde. Alors, allons découvrir la Chine tout de suite. Allez, on se retrouve après les amis. 着和我一样一张孩子的脸，就算是这样的情况也没那么简单， 也没那么简单， 总有一天会再见，总有一天还会再次见面，是不是说过去同一个终点，总有一天会再见，总有一天还会再次见面，希望你的路上不会一直孤单。 Qu'est-ce que j'aime cette chanson, j'espère qu'elle vous aura plu aussi d'ailleurs. Hein. Allez les amis, c'est l'heure de la devinette. Alors écoutez bien, parce que là, c'est du sérieux. Hein. Allez, c'est un groupe de reggae français, ils ont commencé en 1990, ils ont sorti 4 albums en tout, dont un où c'est un best-of, et ils sont revenus en 2010. Sinon c'est un grand groupe, hein. Ils sont deux hein, dans le groupe à chanter, hein, deux chanteurs. Eh oui, je parle bien de Raga Sonic, ce grand groupe de reggae français qui fonctionne, ou qui fonctionnait du moins plutôt bien. Hein. Et la chanson que je vous ai passée, enfin que je vais vous passer, excusez-moi, se nomme Les Riches. Vous allez voir, c'est super. And now, this is the year 1970, not starting up. As we enter inside a new dimension in sound, featuring the Raga Sonic crew, for all massive worldwide. Here it is! Maximum! Oui! Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, Kaman! Original, vos gars sont bien joués. Raga Sonic son M.E. Le Bless IBE, Pond de Mike M.T. Écoute! Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, et jamais rien n'a changé. Dégoûté! Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, et jamais rien ne changera. Écoute ça, le gouvernement ne fait rien

coming deep and you never see us smiling. 10 million strong and we rumble and we ride. Two shots up for my Africans, been around the world and back again. Feel so good, gotta let me in. Power to the people that are against the ring. Bye. Here comes the king. Voilà mes Rastas, c'était Snoop Lion, Here Comes the King. Les amis, pour finir, notre dernier chanteur s'appelle Soja et la chanson s'appelle Waste of My Life. J'espère qu'elle va vous plaire pour cette dernière chanson, excusez-moi. Allez, c'est parti les amis.